Bonsoir les amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terra Incognita jusqu'à minuit et nous sommes en compagnie, comme d'habitude, de Bruno Côté à la mise en onde, France Carrière à l'animation, Jean-François Lamarre aussi à l'animation et comme invité de Sherbrooke, Pierre Blackburn. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et bonsoir tous les auditeurs. Et ben aujourd'hui, il sera question du magazine Progressis numéro 88. Mais on a aussi beaucoup de belles choses à vous faire écouter, mais aussi à jaser, parce qu'on est encore sous l'effet de la garde, la belle visite de la Suède qui nous a visité hier. D'ailleurs, Pierre, tu étais là. Mm-hmm. En fait, on était toutes là, on Bruno. Était toutes là. Et oui, ça a été une grande fête, là. Fait que là, on se sent un petit peu comme un lendemain de fête, là. On est un petit peu buzzé, là. On est un peu fatigué de s'être couché tard et d'avoir jasé toute la soirée. Mais ça a été vraiment un spectacle extraordinaire, une visite de rêve, parce que en de la gare, ça fait 25 ans, quasiment 25 ans qu'on écoute du en de la gare. Ouais. On avait eu l'occasion de les voir au Nirfest, mais les voir chez nous, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même fébrilité du tout. Et toi, espèce de VIP, là, t'as pu les rencontrer comme membre du fan club et oui. T'es trouvé très sympathique. Très sympathique, même durant la pause pour le deuxième set, ils ont invité les VIP backstage. Ils ont offert du vin, de la bière, les photos, en tout cas, c'était... J'ai jasé un peu avec Anna Holmgren. Oui. J'ai essayé de... J'ai plus gesticulé que parlé parce que mon anglais n'est pas fameux. Mais on s'est compris. Et c'est Anna Holmgren qui agissait comme maître de cérémonie et ainsi que le guitariste. Mais disons que c'est surtout elle là, qui avait pris la parole. Et on voyait qu'elle était très émue puis qu'elle était très contente de sa visite à Québec. D'ailleurs, on avait vu des photos sur... Des photos. Elle a fait du magasinage aussi à Québec. Ben oui, on a su que, par le potinage, là, qu'elle aussi est amateur de la ligne des iguales. Mais là, on tombe dans le potinage. Dans le potinage. Ben oui. Donc, une très belle visite et je pense que si on en croit les réactions des gens et du groupe, je pense que ça ne prendrait pas grand-chose pour les ramener à Québec dans un avenir pas très éloigné. Bon, je pense que Jean-Louis a eu des demandes hier. Oui, mais en tout cas, espérons que ça va se réaliser. Et ben pour l'émission de ce soir, on a une nouveauté de Big Big Train, le nouvel album qui s'appelle Grimspound, qui vient tout juste d'arriver directement du groupe. On va en entendre un extrait, en fait, la pièce Brave Captain qui ouvre cet album. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est Steve Hackett qui a sorti un autre album live, encore un autre, vous allez dire, mais c'est avec un groupe qui s'appelle Jabbé. Et là-dessus, ben, il y a peut-être 60% de matériel de ce groupe-là. Ça a été enregistré en Slovaquie. On va entendre une pièce de Steve Hackett, parce qu'il y a des pièces aussi de ce groupe-là, qui s'appelle Last Train to Istanbul. Et originalement, ça vient de Out of the Tunnel Mouth, mais là, ça vient de ce disque-là, qui s'appelle Summer Storm and Rocking Rivers. Et on va avoir aussi un extrait d'un album qui s'appelle Vision and Ageless Light, du groupe Eye, qu'on retrouve sur la compilation de Progressis numéro 88. Et ce groupe-là, ben, c'est sur Laser Edge, c'est leur troisième CD. Et on compare ça à du Ghost qui serait très progressif. On donne comme référence Emerson, Lake & Palmer, Jimi Hendrix, Pink Floyd. Et la pièce de résistance dure 27 minutes 26, mais c'est pas celle-là qu'on va entendre. Pour des raisons pratiques. Et pour ce qui est d'Emerson, Lake & Palmer, bon, il reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. On a eu aussi un très bon spectacle dimanche dernier. Eddie Jobson. Oui, Eddie Jobson avec Marc Bonilla. Mm-hmm. Et il y a été beaucoup question de Emerson, Lake & Palmer. Donc, on y va en musique avec Big Big Train. Thank you.

We'll be right back. last train to Istanbul. Journey to the heart, dances on the eyes. Land to moon, a magic carpet ride. Soulscape, silent nights. Your eyes and afterlife on the last train to Istanbul. c'était le groupe américain IEYE. C'était précédé de Steve Hackett avec sa pièce Last Train to Istanbul. Il est accompagné du groupe Diabé. Et on avait débuté par la nouvelle parution de Big Big Train. On a des belles nouvelles, des beaux concerts qui s'en viennent, mais Pierre nous a apporté une nouvelle qui nous a consterné un peu. C'est le décès de Clive Brook, le batteur de Egg. Oui, le batteur de Egg. Egg, c'est un groupe qui avait suivi, je pense, Uriel ou Arzachiel. Un autre groupe de Canterbury, là, des débuts du Canterbury. Ce que j'ai vu, sous toute réserve, là, j'ai pas vérifié des heures de temps, mais c'est ça. Il a été technicien de drum pour Pink Floyd. Il a fait des tournées aussi avec Leonard Cohen. Ça m'a surpris. Puis d'autres groupes plutôt connus, là. Mais c'est ça. Dans le domaine du progressif, c'est sûr que ce qui est plus connu, c'est les disques de Egg, là, qui ont été des disques importants, hein, au début des années 70. Le premier album est de Polly de Force. Ouais. C'est des bons disques. D'ailleurs, Bruno est amateur de Egg. C'est un très bon groupe là, sur la scène Canterbury. Bon, ben, encore un autre décès. La liste noire s'allonge. Et bon. Le festival qui s'en vient en grands pas. Ben oui, c'est. Dans deux semaines. Dans deux semaines, le Bruno tripping d'impatience. Et on a de la misère, il faut l'attacher sur sa chaise. Bruno, tu sais plus. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer là? Bon, ben le 19 mai, c'est hommage à Yes, avec Yes Song de concert. Le 20 mai, on débute avec Universe Effect. Eden Song, Glass Hammer. Le 21 mai, Il Paradiso des Cliorchi. Comedy of Error, Us Zonatan avec Fabio Zuffensi. Pour une fois, je l'ai dit comme il faut. Puis là, il y a un ajout. Il va y avoir un guitariste qui va jouer vers 16h15. Comme dans les années passées. Comme Gadi Kaplan puis Anton oui, Roulant. Oui, c'est ça. Mais je me souviens plus de son nom. Moi non plus. Je sais qu'il est d'Ottawa. Il vient d'Ottawa. Oui. Moi, ouais, je ne l'ai pas retenu moi non plus. Vous le dirai tout à l'heure. Et d'ailleurs, de la Samur, on en parle dans le numéro 88 de Progressis. Et évidemment, les Européens sont assez fiers de ça parce que le groupe a 25 ans, mais c'est sa première traversée en Europe, ce qui est quand même surprenant là, pour un groupe de cette ampleur-là. Ils n'ont jamais mis les pieds sur le vieux continent. Donc, ça va être le 3 septembre. Ils vont être en tête d'affiche du festival Tout des Prog en Italie, à Veruno. D'ailleurs, il y a des DVD qui sortent d'habitude suite à ces concerts-là, ce festival-là. Et ben, c'est un festival gratuit, puis entre autres, il va y avoir Discipline, qu'on a déjà vu aussi au festival Terra Incognita. Il y a Comedy of Error, qu'on verra cette année. Il y a Frost, le groupe anglais. Il y a Carthagène, les Ukrainiens. Et The Tangent, qu'on a vu aussi. Et puis, ce qu'on dit dans l'article, c'est que depuis Chronométrie, ben ils ont laissé un petit peu la science-fiction pour s'intéresser, pour en fait écrire des satires sur la vraie vie. Puis, à ce moment-là, en fait, avant Chronométrie, ben il y avait pas, il ignorait l'existence là, du prog grand public. Là. Eux autres, ils considèrent que le vrai son de Glasshammer, c'est l'X-Rex, mais moi, c'est loin d'être mon préféré, je pense, même si c'est celui que j'aime pas. J'aime le moins. Par contre, Valkyrie est considéré comme leur meilleur album, puis je pense que c'est le cas aussi. Là. Ça va être intéressant de les entendre défendre ça sur scène cette année. Et le concert devrait être plus long aussi, parce que la dernière fois qu'il était venu, il faisait le même concert qu'il faisait dans les festivals. Puis eux autres, il y avait l'impression que c'était ça. Là. Mais ils se sont rendus compte que le public en voulait encore, mais il n'y avait plus de pièces qui étaient prêtes. Donc cette année, ils sont prêts, puis ça va être un full-size concert. Là. Ça devrait être très intéressant. Et ben, qu'est-ce qui s'en vient pour ça? Ben là, j'ai trouvé le nom du guitariste invité. Ah oui, bon. C'est Nathanael. Oups, mon écran s'est éteint. Qu'est-ce que c'est, donc? Nathanael Larochette, c'est un guitariste de la formation prog metal de Nightwatch, mais rien à voir avec le groupe italien. Ouais, bon, ça devrait être intéressant. Bon, le 14 mai, c'est Adrian Bellow, Power Trio à la salle Jean-Paul Tardy. Veux-tu que je juge les autres ou dans... Oui, vas-y, bon, vas-y. On va y aller pour le mois d'août qui est vraiment intense. Le 17 août, Anathema à la salle multi de Méduse. Le 25 août, Stickman à l'auditorium du Collège Garneau. Le 26 août, Aken à la salle multi de Méduse. Et un qui vient d'être annoncé samedi dernier, c'est le 9 septembre, Spock's Beer à la salle Jean-Paul Tardy. Bon, encore de la belle visite, ça. Le reste va suivre. Donc, on devrait avoir quelque chose pour patienter avec le Festival Terra Incognita qu'on a bien hâte de voir. Très hâte. Et bien, en attendant, on va entendre la musique de Jonas Lindberg sur ma feuille, il n'est pas écrit. And the Other Side. Et ben, c'est un jeune Suédois qui a été influencé par les Flower King. Ben, c'est ce que Michel me disait, puis c'est clair, là, dans le numéro 87 de Progressis, on en parlait. Mais moi, j'ai trouvé une autre influence, c'est celle de... Ben, en fait, je vous le dis pas, on en parlera, vous pourrez le voir vous-même, on en reparlera en revenant. On va entendre aussi Deep Purple de leur nouvel album Infinite, qui est très bon. Marc en a mis lors de sa dernière émission. Et on terminera ce bloc avec Gösta Berling Saga. mind, spinning round and round. Sometimes I wonder why I'm here. Thoughts I can bear, feelings I can share. Let the fire go out, I'm home. 89.1. C'est KRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Vous avez le goût de faire de la radio? C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps? Il y a tous les ingrédients, mais pas de recette. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre. Je confirme. Hey everybody, it's Lenny and... Le Festival d'été de Québec, 11 jours de musique pour 95$. Avec Kendrick Lamar, Muse, Gorillaz, Lady Antebellum et plusieurs autres. Du 6 au 16 juillet, célébrons 50 ans d'émotion. Laissez passer en vente au infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. En mai, voyez au cinéma Le Clap le tout premier mois du documentaire. Du 1er au 31 mai, plus de 48 documentaires provenant de partout dans le monde. De la politique au voyage, en passant par l'alimentation, la musique, les animaux, la photographie. Planifiez-vous une sortie au cinéma différente avec cette excellente programmation. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Le 33e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 18 au 21 mai. Au programme, le spectacle grandiose de danse-théâtre Dollhouse de Bill Coleman et Gordon Monahan, l'opéra Sorrow de Colin Stetson, Terry Riley et son fils Guyan Riley, le grand ensemble de Tim Brady, Nels Klein, Anthony Braxton, René Lucier et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages et une exposition d'art visuel. Informez-vous à fimav.qc.ca. Du 18 au 21 mai 2017, venez vivre l'expérience du 33e FIMAV. Du 29 juin au 2 juillet, Québécois présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le Mouvement des Jardins, la 34e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un rendez-vous qui vous offre la plus grande concentration de pépites musicales au pied carré. Plus d'une quarantaine d'artistes vous attendent, dont les Cowboys Fringants, Vincent Vallière, Patrice Michaud, Caillouche, Matou Lobovski, Louis-Jean Cormier, Daniel Bélanger, L'Hostie de Tour, Karim Ouellette, Luc de la Richelière, Damien Robitaille, les Hôtesses d'Hilaire et plusieurs autres. Les passeports sont en prévente jusqu'au 5 mai. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Et nous sommes de retour. On avait terminé avec Gösta Berling Saga. De leur très bon album qui s'appelle Sarsophane, et la pièce qu'on a entendue, ben c'est une gracieuseté de la compilation Progressis numéro 88, et juste avant Deep Purple dans une version assez endiablée, One Night in Vegas, un très bon disque qui s'appelle Infinity. Et on avait débuté par Jonas Lindberg and the Other Side, un jeune homme suédois qui a des modèles assez évidents, entre autres Flower King. Il ne s'en cache pas du tout. Et bien, dans la pièce qu'on a entendue, qui s'appelle Peace of Mind, ce qui me fait penser beaucoup à Iron Maiden, qui avait un album qui s'appelle Peace of Mind, mais c'est vraiment pas le même style. Bien, si vous avez reconnu le style, moi, ça me fait penser énormément à du Moon Safari. Pour moi, c'est clair que Jonas Lindberg s'est inspiré de Moon Safari, un groupe que j'adore. Et ben, justement, en parlant de progressistes, dans ce nouveau numéro, en page 8, on parle du nouveau Mike Oldfield, que moi j'aime beaucoup. Il y a une critique qui est très élogieuse. On parle aussi, et on en parle beaucoup en bien aussi, de Gösta Berling Saga. In Granady de la Vallée aussi. Deuxième album qui est très différent du premier et qui est comparé au plus grand comme Andlager, Flower King, Deus Ex Machina. D'ailleurs, on va en entendre une pièce dans le quatrième bloc. On parle aussi de High qu'on vient d'entendre, un groupe américain, qu'en fait qu'on a entendu dans le premier bloc. Et dans les albums importants, les albums événements, on parle de Deer Hunter, un groupe que j'apprécie beaucoup, et aussi Vincent Delisle qui en met à l'occasion. Donc on parle du même coup, de actes 4 et 5 là, qui sont sortis en même temps. On dit que c'est le groupe de Cassé Crescenzo qui faisait partie. En fait, lui, il chante en plus, il joue de la guitare, des claviers. Puis, on dit qu'il faisait partie du groupe The Receiving End of Sirens. Moi, c'est un groupe qui m'est totalement inconnu. Donc, c'est une œuvre en 6 actes. Et le premier est paru en 2006, mais c'est passé sous le radar. En fait, on a commencé à les connaître plus avec le quatrième et le cinquième qui est paru pas longtemps après. On parle aussi du gros coffret de Steve Village, 22 disques. Mais... un peu comme Pink Floyd, ça s'adresse vraiment à des maniaques parce que c'est très dispendieux. On parle d'à peu près 400$. Il y a 22 disques et on retrace l'existence avec Ars Akel que Pierre parlait tantôt. Cannes, évidemment, avec le classique Space Shanty. On parle aussi de System 7. Correct. Moi. Arion de Source, que j'ai pas encore, mais que je devrais me procurer bientôt. Mais on va en entendre aussi du Arion en fin d'émission, mais avec le disque de Theater Equation, qui est la version théâtrale de son album qui est paru beaucoup plus tôt. Je crois que c'était en 2006. Et, bon, je parlais d'Ingranegy de la Vallée. On en parlera un petit peu plus tard. Avais-tu encore des concerts? Oui, le 13-14 octobre, Prog Story à la salle Jean-Paul Tardy. C'est les meilleurs moments de rock progressif britannique des années 70. En musique et en images, c'est le répertoire couvrira les artistes comme King Crimson, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Gentle Giant et Yes. Et le dernier concert annoncé le 21 octobre, Pendragon, à la salle Jean-Paul Tardy. Pour ce qui est de Prog Story, je pense qu'il va y avoir Francis, hein? Francis Gendron, oui, Francis, qui est là-dedans. Francis de Univers Francis Grégoire de Univers FEC, oui. Qui est directeur musical. OK. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Il y a Antoine Berry qui va jouer de la batterie. Et le reste, là, c'est pas divulgué encore. Non, mais lui, à ma connaissance. Antoine, lui, pourra jouer de n'importe quoi. Il joue autant la basse et guitare que oui, les claviers. Puis j'ai vu cette semaine Stu Nicholson de Galahad qui a publié son vidéo, puis qui a dit il est formidable, ce gars-là, il joue n'importe quoi. Oui, il est assez incroyable. Il y avait la vidéo de Genesis là, qu'il avait fait, là. Effectivement. Et ben on va poursuivre en musique avec en fait c'est du haut sonatine, mais avec la version de Zufanzi and Ziban. En fait, c'est le groupe qu'on a vu à Québec. Ça va être encore Fabio Zufanzi qu'on va voir, mais avec son groupe haut sonatine. Donc le répertoire va être différent. Mais on va entendre Rain Suit, qui est extrait originalement de l'album Winter True, qui est possiblement le meilleur des quatre albums qu'il a fait sur les quatre saisons. Mais là, ça vient de l'album live Il Mondo chez Era Mio, qui avait été enregistré live en studio suite à cette tournée-là, là, avec un dream team, là, qu'on pourrait dire, des musiciens assez extraordinaires, dont Matteo à la guitare, là, qui était absolument fabuleux. Mais je crois que Fabio Zufanzi avec Os Sonaten va encore nous en mettre plein les yeux cette année. Je pense qu'on n'aura pas à regretter le Z-Ban. Et puis à les oreilles aussi. Sûrement. Disons qu'au Centre d'art La Chapelle, avec le Festival Terra Incognita, on en a toujours plein les oreilles, ça. On n'en doute pas. Et on va continuer avec Shaman Elephant, qui est un groupe que Michel avait présenté il y a quelques semaines. En tout cas, si je ne me trompe pas, là, avec l'album Crystal, on va en entendre un extrait qui vient aussi de cette compilation de Progressist 88. Et on va terminer ce bloc avec Riverside, avec l'album Eye of the Soundscape. On va entendre la pièce Shine. Et ben, c'est un disque double qui est assez vaporeux, là. Disons que c'est très, très atmosphérique et ça annonce la nouvelle direction que Riverside va prendre suite au décès de Piotr, dont je me souviens plus, là, avec un nom imprononçable en polonais. Donc, on y va en musique avec Os Sonaten. Thank you. has frightened me. I let go. I let go. And so I'm imploding. Closing in on we Riverside avec leur album Eye of the Soundscape qui est sorti il y a quelques mois que je ne m'étais pas encore procuré. Un album double qui est plus ou moins une compilation parce que c'est plus des chutes de studio ou des pièces réarrangées. Et le deuxième disque est assez vaporeux, là, disons, c'est très synthétique. Mais ça reste quand même intéressant. Moi, je dirais que c'est même plus vaporeux encore que Lunatic Soul. Disons que c'est supposé d'être la direction que le groupe va prendre. On verra dans le futur. Et juste avant, une pièce qui a été très appréciée du groupe norvégien Shaman Elephant. Et ça vient d'un album qui s'appelle Crystal. Mais ce qu'on a entendu, c'est un extrait de Progressiste 88. Mm. Donc, c'est sur la compilation. Une belle compilation. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Cosmographe, on a entendu Eye, du Gösta Berling Saga qu'on a entendu. Et Ingrenergy de la Vallée qu'on va entendre tantôt. Il y a aussi un groupe que en fait, j'ai l'album Promenade, mais on n'a pas fait de jouer encore. Puis il y a Shaman Elephant qu'on vient d'entendre et d'autres choses encore. Et dans ce dernier numéro, étant donné qu'il n'y en avait pas eu avec le 87, ben, il y a trois disques avec ce numéro 88 qui est paru il y a environ deux semaines. Donc, Ingrenergy de la Vallée, on en a parlé, on en parle dans ce magazine et ça fait partie des grands. Là. Pierre avait un livre sur le progressif italien, puis il m'a montré ça tantôt. On les considère comme des grands et leur premier album est considéré comme un indispensable. Puis moi, je serais plutôt d'accord avec ça. Et le deuxième, quoique très différent, est toujours aussi intéressant. Donc, c'est un groupe de Rome, leur premier, Inox Signo, était paru en 2013, et Warm Space Blue, leur deuxième, il est paru il y a quelques semaines. Et ce qu'on va entendre, en fait, la pièce s'appelle Call for Cthulhu. En fait, c'est en trois parties. La première, c'est Horizon, et c'est celle-là qu'on va entendre. Donc, Cthulhu, c'est un dieu venu de l'espace, donc on est en pleine science-fiction. Et dans le magazine, on dit que leur vœu, c'était de jouer avec Alan Holdsworth. Malheureusement, c'est un vœu qui ne va pas se réaliser. Donc, l'entrevue avait été faite avant le décès de M. Holdsworth, un décès qui est quand même récent. Ça fait à peu près trois semaines. Donc, c'est tout récent, une grande perte pour le monde de la musique, surtout qu'il n'était pas très âgé. Hein, je pense 67, je pense. Oui, il me semble que c'est 67. Mm. C'est une grande perte. Donc, on va entendre une Ingrenergy de la Vallée qui, malheureusement, ne pourront pas jouer avec Alan Holdsworth. Et ce sera suivi de Tim Bonus. Thank you. to blame, you've forgotten the reins. The radar of your tame. After the storm's patterns formed, styles to suit you. Hey, que c'est joli tout ça. C'est du Tim Bonus, l'ancien acolyte, ben je dis ancien, là, de Steven Wilson, parce qu'on se demande si No Man existe encore. Faut dire que Steven Wilson est assez occupé et il y a des rumeurs qui sont de plus en plus persistantes pour un retour éventuel de Porcupine Tree. Donc, je ne sais pas si Steven Wilson aura du temps à consacrer à No Man. Et juste avant, c'était Ingranaggi de la Vallée, très très bon groupe de progressifs italiens. Et ben, c'est déjà presque tout pour notre émission, pour l'émission Terrain Incognita pour cette semaine. Il faudra surtout pas oublier le festival Terrain Incognita qui s'en vient dans deux semaines. Et ben, Bruno va avoir le temps de se calmer d'ici là. Et ben moi j'avais prévu de mettre du Arion avec l'album de Theater Equation, mais ce sera pour une prochaine fois, ce sera partie remise parce qu'il ne reste plus assez de temps. Mais vous perdriez, on change parce qu'on fait la transition avec l'autoroute. Vincent est arrivé, donc Vincent va vous faire jouer de la musique des années 60 et 70 pour les prochains 3-4 heures. Mais pour faire la transition, on va entendre, on reste dans le domaine du Adrian Lucassen, on va entendre Arnold Lane de son projet The Strange Hobby, qui date de quelques années, mais qui a été réédité au cours des derniers mois. Donc on termine l'émission avec Arlene Lucassen, Strange Hobby, et la pièce de Pink Floyd, Arnold Lane, mais à la sauce Arlene Anthony Lucassen. Donc on salue notre ami Pierre Blackburn de Sherbrooke qui a décidé de pas être en studio pour la finale. Et ben on vous remercie d'avoir été là, ça a été bien plaisant. Merci à Bruno et à France et bienvenue à Vincent qui rentre en onde dans quelques minutes. Bonne semaine.